Je faisais consciencieusement toutes les démarches que j'avais à faire. Je me déplaçais en autobus. Je prenais le métro et jamais de taxi. J'essayais même, le plus souvent possible, d'aller voir les clients à pied. Maintenant, je peux me permettre de dépenser davantage. Je descends dans un hôtel beaucoup plus chic. Et, pour la première fois depuis longtemps, je vais pouvoir me détendre pendant une journée entière. Je vais pouvoir faire ce qui me plaît. Il y a une exposition des œuvres de Cézanne. Il y a longtemps que je ne suis allé visiter un musée. Elle a lieu au Petit Palais. Le Petit Palais est très bien situé sur les quais de la Seine et à proximité des Champs-Élysées. L'atmosphère est beaucoup plus gaie qu'au Louvre. Et puis, on y voit clair. Tout est austère dans les immenses salles du Louvre. Les longues galeries au parquet ciré, les salles remplies d'objets de l'Antiquité grecque et latine,